Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, retour sur l'une des crises les plus aiguës de la guerre froide, le fiasco de l'opération Overflight, au début du mois de mai 1960. Car pour les services de renseignement du monde entier, il existe une règle implacable. Les exploits, aussi nombreux soient-ils, restent cachés, contrairement aux désastres, même rares, qui, eux, finissent sur la place publique. Et c'est à cette réalité que le responsable américain de l'opération Overflight, l'un des programmes d'espionnage les plus ambitieux de la guerre froide, vont être confrontés. En voyant des avions furtifs survoler le ciel soviétique à très haute altitude, on pensait à Washington avoir trouvé la parade idéale pour garder un œil sur les travaux militaires et nucléaires de l'Union soviétique. Mais voilà, l'un de ces avions allait finir par être repéré, puis abattu. En plein climat de détente est-ouest, à 2 semaines seulement d'une importante conférence sur la paix, cet incident allait provoquer un fiasco diplomatique majeur. La riposte du Kremlin sera aussi stratégique que diabolique, ridiculisant pour longtemps l'Amérique et la CIA. Alors que demain, mercredi 2 décembre, sort en salle le film de Steven Spielberg, Le Pont des Espions, qui reprend la trame de cette histoire et dont France Inter est partenaire, nous avons décidé de nous replonger dans les méandres de cette affaire qui, 55 ans après, reste tout à fait fascinante. Notre invité aujourd'hui, l'historien Maurice Weiss, spécialiste des relations internationales. Il est l'auteur de nombreux ouvrages. Il a participé récemment au livre intitulé « Dans les archives secrètes du Quai d'Orsay » paru aux éditions L'Iconoclaste le 21 octobre dernier. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France. Attaché de production, Léa Dupuyenquin, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle, voix du lieutenant Powers Aurélien Labruyère, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Enzo Labori. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Berlin, samedi 10 février 1962, il est 8h du matin. Nous sommes à la limite des secteurs américains et soviétiques dans le sud-ouest de la ville. Autour de l'imposante ossature d'acier du pont Glinicke règne une intense agitation. Voilà en effet près d'une heure qu'un balai ininterrompu de camions et de voitures officielles vont et viennent de part et d'autre de ce pont, point de rencontre entre l'Est et l'Ouest. Des deux côtés, on distingue un nombre impressionnant de soldats en faction, mitraillettes en bandoulière, qui montent la garde. Au niveau des points de contrôle américains et soviétiques, les barrières blanches et rouges sont toujours baissées. Le pont est désert et silencieux. Le soleil se lève et la brume se dissipe. Apparaît alors, au milieu du pont, une large ligne blanche dessinée sur le sol, symbole et réalité de la démarcation territoriale entre deux mondes qui se regardent en chien de faïence. À 8h30, une limousine noire arrive du côté soviétique, puis se gare à proximité des barrières. Plusieurs hommes en descendent. Parmi eux, un individu de grande taille, en costume soigné. À l'aide de leurs jumelles, les officiers américains ne tardent pas à identifier l'agent consulaire soviétique de Berlin-Est, un dénommé Shishkin. Mais l'individu qui retient toute leur attention, c'est celui qui se trouve à ses côtés, un homme de taille moyenne, l'air quelque peu hagard, aux traits fatigués, habillé d'un costume noir et portant une petite valise. Cet homme, c'est le lieutenant Francis Gary Powers, le pilote américain emprisonné en URSS depuis 1 an et demi. L'information est transmise au chef de poste, qui informe les responsables de la CIA. Puis très vite, on hurle des ordres en anglais côté américain. Et plusieurs hommes sortent de leur véhicule, encadrant un homme de petite taille, dont le visage faisait quelques mois plus tôt la une des journaux aux États-Unis. C'est le colonel Rudolf Abel, un espion soviétique. Ce matin du 10 février 1962, sur le pont Glinicke, débute un échange, marqueur classique, voire emblématique de la guerre froide. Soudain, une sirène retentit et les barrières de part et d'autre du pont se lèvent. Côté américain, un groupe d'agents de la CIA encadrant Rudolf Abel s'avance. Imité du côté soviétique par un autre groupe, probablement du KGB, qui encadre Powers. Arrivé à une dizaine de mètres de la ligne de démarcation, il s'arrête. Après plusieurs minutes, un ordre de confirmation arrive par radio et signale qu'un autre Américain vient d'être relâché par les Soviétiques dans le secteur de Checkpoint Charlie, situé au cœur de la capitale est allemande. Les agents de la CIA s'approchent alors du lieutenant Powers. Leurs homologues du KGB en font de même avec le colonel Abel. Puis, après avoir échangé leurs prisonniers, les deux groupes repartent, escortés chacun par des hommes en armes. L'opération n'aura duré qu'un quart d'heure. Powers retrouve l'Ouest, Abel rejoint l'Est. L'échange, resté secret, n'est révélé qu'en fin de journée par une dépêche de l'agence Reuters. Celle-ci est reprise dans les flashs d'information le soir même, comme ici, sur France Inter. Inter, actualité. Affaires internationales, Francis Powers, le pilote américain de l'U-2, fait route vers les États-Unis, tandis qu'Abel, le colonel des services secrets soviétiques, se trouve quelque part entre Berlin et Moscou. Francis Mercury. Oui, Powers aura juste le temps à son arrivée d'embrasser sa famille. Il repartira ensuite vers une destination inconnue. En effet, les agents du service secret américain ont quelques questions à lui poser. D'ailleurs, dès à présent, Powers est secret. Hier soir, Pierre Salinger, le porte-parole de la Maison-Blanche, a fait savoir aux journalistes qu'il ne pourrait rencontrer Powers avant 10 jours au moins. Précaution sans précédent, aucune indication n'est donnée sur le lieu ou l'heure d'atterrissage de l'avion à bord duquel le pilote de l'U-2 effectue son voyage de retour aux États-Unis. Si le retour du lieutenant Francis Powers fait la une des médias, c'est que l'affaire dans laquelle il est impliqué dépasse de loin le simple contentieux américano-soviétique. Sa libération marque en effet la fin de l'une des plus incroyables histoires d'espionnage de la guerre froide. Elle avait débuté 2 ans plus tôt, à une période où les États-Unis et l'Union soviétique se livraient une guerre du renseignement dans le ciel à très haute altitude. Dimanche 1er mai 1960, 5h25 du matin, espace aérien pakistanais, province de Peshawar, vol au-dessus d'un missile. À bord d'un U-2, avion de reconnaissance et d'espionnage américain ultra secret, à 70 000 pieds, soit un peu plus de 21 km d'altitude, le double de celle d'un avion de ligne standard, impossible de déceler sa présence depuis la Terre, que ce soit aux jumelles ou encore au radar. Non, le U-2 vole comme derrière un miroir sans teint, il voit tout, mais personne ne le voit. Aux commandes de cette étonnante machine qui file à plus de 800 km/h au-dessus des nuages, on retrouve le lieutenant Francis Powers. Habillé d'une combinaison et d'un casque qui préfigure ceux des futurs astronautes de la NASA, il est concentré sur le réglage des différents paramètres de vol. À 31 ans, dont 10 passés dans l'US Air Force, l'armée de l'air américaine, le lieutenant Powers est un passionné de pilotage, fier de porter l'uniforme d'aviateur et de servir son pays. Marié depuis plusieurs années, il se définit lui-même comme un rouage modeste mais nécessaire dans l'effort commun destiné à empêcher la guerre grâce à l'espionnage. Et s'il est ici aujourd'hui en mission de vol à très haute altitude, à proximité de l'espace aérien de l'URSS, c'est qu'il participe depuis 4 ans à un programme ultra secret conjoint entre l'US Air Force et l'agence, comprenez ici la CIA, un programme qui répond au nom de code Overflight. C'est au Pentagone, à Washington, que se dessinent depuis l'été 1955 les traits du programme Overflight, ou survol en français. Après le refus par les soviétiques du projet de ciel ouvert, le président américain Eisenhower a donné son feu vert à l'armée et aux services de renseignement pour observer le territoire soviétique par tous les moyens qu'ils jugeront nécessaires. Un choix stratégique qui s'explique à l'époque par la psychose qui règne aux États-Unis, celle d'une attaque soviétique à coups de missiles de croisière chargés de têtes nucléaires. Les Américains n'ont jamais manqué d'imagination pour garder un œil sur leur meilleur ennemi. Ainsi, à la fin des années 40, déjà, ils entament une série de vols de reconnaissance à bord de bombardiers des armées. Plus étonnant, ils utilisent aussi des ballons météorologiques pour survoler le territoire soviétique. Mais rien à voir avec ce projet d'opération Overflight. Ici, il est question de pouvoir survoler l'URSS où on veut et quand on veut pour photographier ce qui peut être intéressant d'un point de vue stratégique. Le projet est tellement révolutionnaire qu'il bouleverse à l'époque l'idée que l'on se fait de l'espionnage. Et il marque la transition entre l'image d'Épinal de l'agent espion drapé dans un manteau couleur de muraille que l'on voit au sol glaner quelques informations et celle du satellite électronique invisible et indécelable capable d'épier le moindre mouvement depuis le ciel. Mais pour atteindre cet objectif, les ingénieurs et scientifiques américains doivent mettre au point un appareil capable de voler toujours plus haut et toujours plus longtemps, à mi-chemin entre l'avion et la fusée spatiale. Cet appareil, ce sera l'U-2, ou U-2, un avion développé dans le plus grand secret par la firme Lockheed Martin pour le compte du DARPA, l'agence spéciale du Pentagone en charge de projets de recherche scientifique. Petit tour des caractéristiques de cette incroyable machine avec le lieutenant Gary Powers. C'est au printemps 1956, sur une base secrète du Nevada, que j'ai fait connaissance pour la première fois avec l'U-2. À cette époque, j'étais familier des procédures de sécurité militaire, mais je dois admettre que là, elle dépassait tout ce que j'avais pu voir par le passé. Après plusieurs jours confinés au secret, nous avons été conduits dans l'un des hangars situés à l'écart du complexe. Une fois à l'intérieur, on pouvait voir une foule d'ingénieurs travaillant sur un appareil à la forme et à la couleur aussi étrange qu'insolite. L'U-2 était là, face à nous, avec sa robe gris-argent étincelante et ses ailes d'oiseau allongées. Une silhouette unique en son genre. Puis, un des ingénieurs responsables du programme chez Lockheed nous expliqua que l'U-2 était en réalité un hybride. L'étonnant mariage technique entre un avion à réaction et un planeur. Autrement dit qu'ils avaient réussi à monter sur une cellule de planeur un réacteur, ce qui le rendait capable de performances qu'aucun appareil n'avait jamais réalisées par le passé. Avec l'U-2, on pouvait, selon eux, désormais atteindre et conserver pendant des heures des altitudes jusque-là inaccessibles à tout autre avion. Mais à mesure qu'il découvre l'appareil, le lieutenant Power se rend également compte des enjeux et du danger que génère sa conception et donc son pilotage. En théorie, l'appareil pouvait voler à 20 000 mètres d'altitude et à 800 km/h pendant plus d'une dizaine d'heures. Seulement, en matière d'ingénierie aéronautique, nous les pilotes, nous sommes bien placés pour savoir que tout se paye. Et que pour qu'il puisse atteindre cette altitude avec à bord un pilote, tout un assortiment d'appareils électroniques et photographiques, ainsi qu'assez de carburant pour voler plus de 9 heures, il avait fallu lui donner une légèreté extrême. Ici, pas de siège éjectable. Dans le cockpit, des pièces trop minces pour permettre de maintenir la structure, et des ailes si élastiques qu'elles bougent en permanence, même au sol. Car en définitif, ce que l'on avait sacrifié sur l'U-2 pour atteindre un tel niveau de performance, c'était la solidité, et donc la fiabilité. Ainsi, l'U-2, appareil tout droit sorti d'un film de science-fiction hollywoodien, est certes capable de voler là où aucun autre avion n'est capable d'aller, mais il reste avant tout un engin expérimental. S'asseoir dans son cockpit est donc toujours risqué en cas de turbulence, ou pire, de ciblage par des missiles. À 6h36, ce dimanche 1er mai 1960, le lieutenant Powers, aux commandes de son U-2, coupe sa radio ainsi que son transpondeur et procède au dernier réglage avant de pénétrer dans l'espace aérien soviétique. Au programme de sa mission, un vol de reconnaissance et d'observation photographique qui doit durer une dizaine d'heures et qui doit lui faire traverser le territoire de l'URSS en diagonale sur plus de 5500 km avant d'aller se poser sur la base secrète de Bobo, en Norvège. Parmi les lieux qu'il doit survoler, certains sont extrêmement sensibles. Il y a le site d'expérimentation des missiles de Semei, mais aussi le cosmodrome de Tyut Atam, un endroit plus connu sous le nom de Baïkonour, le cœur des projets spatiaux de l'Union soviétique. Au moment où il franchit cette frontière aérienne imaginaire avec le monde communiste, une limite symbolisée par les nombreux sommets de montagnes en contrebas, le lieutenant Powers fait cabrer son appareil pour lui faire prendre progressivement de l'altitude et atteindre le plafond des 20 000 mètres. Un endroit où il est censé pouvoir manœuvrer en toute sécurité pour accomplir sa mission. La sûreté du vol, justement, voilà ce qui préoccupe à cet instant notre pilote. Car deux semaines plus tôt, le tout premier vol d'un avion U-2 était achevé par une tentative d'interception par des MiG-19 et des Sukhoi de la chasse soviétique. Certes, l'appareil avait pu facilement y échapper, mais cet incident avait révélé une faille dans l'idéologie du programme. L'idée selon laquelle, en volant aussi haut, l'U-2 était indétectable pour les radars au sol, avait pris un coup dans l'aile. Mais plus grave désormais pour le lieutenant Powers, cet incident, il en était sûr, avait mis l'URSS en état d'alerte. Après 3 heures de vol, le U-2 s'approche de Sverdlovsk, dans le district d'Yekaterinbourg, en plein cœur du territoire de l'URSS. Un secteur stratégique, car il regroupe une grande partie de l'industrie de défense soviétique. Ici, on produit des chars d'assaut, des armes de poing, mais aussi des fusées intercontinentales et autres missiles balistiques. Pour protéger ce site, hautement stratégique, l'armée rouge y possède une immense base militaire avec un important centre radar. Un complexe lui-même protégé par plusieurs batteries de missiles sol-air. Autrement dit, rien de ce qui se passe dans le ciel au-dessus de Sverdlovsk ne doit pouvoir échapper à la vigilance communiste. Au même moment, 20 000 mètres plus haut, l'avion espion du lieutenant Powers manœuvre. Quand soudain, la situation bascule. Alors que j'approchais de Sverdlovsk, je fis un virage serré à 90 degrés vers la gauche pour passer au sud-ouest de cette grande ville. J'aperçus à ce moment-là un grand aérodrome qui ne figurait pas sur ma carte. Aussitôt, je mis en route mes instruments d'enregistrement. Le site était immense, c'était une très belle prise. Seulement, j'avais à peine commencé ma manœuvre que je ressentis un choc violent. Quelque chose dans le genre d'une secousse due à une déflagration. Je regardais autour de moi, mais tout paraissait normal au prime abord, si ce n'est que tout était de couleur orange. Je réalisais en quelques instants qu'une explosion venait de se produire à l'extérieur sur la partie arrière de l'appareil. Mais en l'espace d'un instant, l'appareil est devenu incontrôlable. Il m'était impossible de conserver l'assiette horizontale. Nous sommes partis en vrille et nous avons plongé vers le sol. Il est 8h55, en ce 1er mai 1960, l'U-2 de l'US Air Force, avec à son bord le lieutenant Francis Powers et ses équipements d'espionnage, viennent d'être touchés par une salve de missiles géants SA-2 soviétiques. En flammes, les débris de l'appareil retombent au sol. Personne ne sait alors si le pilote s'en est sorti ou s'il a péri. Ici s'écrivent les premières lignes d'une affaire d'espionnage qui va mettre à mal des années d'efforts diplomatiques et qui va faire la une de la presse partout dans le monde. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. You know you did. But if this ever changing world which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Министр обороны приветствует. приветствовал парадные расчеты ракетных войск стратегического назначения, войск воздушно-космической обороны, военнослужащих парадных расчетов. Le 1er mai 1960, à Moscou, comme chaque année à cette date symbolique de la fête des travailleurs, l'armée rouge défile en grande pompe sous le regard bienveillant des cadres du Parti communiste soviétique. Brochette bien connue de vieillard au balcon. Mais cette fois, la parade militaire est moins spectaculaire qu'à l'accoutumée, comme l'a voulu Nikita Khrouchtchev, premier secrétaire du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, qui à côté des caciques du régime apparaîtrait presque jeune et moderne. L'homme de la déstalinisation, premier dirigeant soviétique à s'être rendu à l'Ouest, entretient de bons rapports avec le président américain Eisenhower. Khrouchtchev ne veut donc pas froisser tous ses efforts diplomatiques par une démonstration de force qui, il le sait, aura pour seul résultat d'attiser un peu plus la tension entre les deux blocs. Sur le coup de 10h du matin, dans la tribune qui jouxte le Kremlin sur la place Rouge, tous les cadres du parti sont présents pour assister à la parade. Tous sauf un, le maréchal Malinovski, ministre de la Défense. Celui-ci arrive une demi-heure plus tard, accompagné par un haut responsable du GRU, le service d'espionnage de l'armée rouge. Les deux hommes s'approchent de Khrouchtchev. Il lui glisse à l'oreille qu'un appareil étranger, vraisemblablement américain, a été abattu par un missile au-dessus d'Yekaterinbourg une heure plus tôt. Puis le maréchal ajoute qu'il a fait dépêcher sur place des experts de la sécurité militaire pour expertiser les débris de l'appareil et les rapporter à Moscou. Enfin, il glisse quelques mots supplémentaires à l'oreille du premier secrétaire du parti qui le regarde alors d'un air stupéfait. Que se sont dit les deux hommes ? À ce moment-là, personne ne le sait. Toujours est-il que le ministre de la Communication, qui a tout entendu, s'empresse de venir voir Khrouchtchev et lui demande si on doit organiser une conférence de presse ou un discours. À son grand étonnement, le premier secrétaire soviétique lui répond d'un ton sévère « Tout cela doit rester secret pour le moment. Personne d'autre, vous m'entendez bien, personne d'autre que vous, le maréchal et le chef du GRU ne doivent être informés de cette affaire. » C'est Nikita Khrouchtchev, temporise ainsi l'enthousiasme de son ministre, qui voit dans cette affaire un très beau coup médiatique et politique pour le RSS, c'est qu'il a une autre idée derrière la tête. Fine mouche, il sait que cette affaire lui offre un atout considérable qu'il compte utiliser en temps voulu face aux États-Unis. Au même moment, à Adana en Turquie, là où est située la base de couverture de l'opération Overflight, personne ne se soucie des déboires de l'U2 et du lieutenant Powers. Et pour cause, l'appareil n'est pas censé donner le moindre signe avant sa sortie de l'espace aérien soviétique. Il faut donc attendre le soir, alors que l'avion aurait dû atterrir depuis longtemps sur la base militaire secrète de Bobo, en Norvège, pour que les responsables de la CIA et de l'Air Force commencent à s'inquiéter. Les heures passent et l'U2 reste introuvable. A-t-il eu un souci technique ? A-t-il dû se détourner et aller se poser ailleurs ? Le Pentagone est immédiatement prévenu. À Washington, il ne fait très vite aucun doute que le pire scénario doit être envisagé. L'appareil abattu au-dessus du territoire soviétique. Et si tel était le cas, le pilote aura probablement eu le temps d'activer le mécanisme d'autodestruction et dans ce cas, les Russes ne retrouveront rien. Des dispositions sont tout de même prises pour camoufler l'opération et la femme du lieutenant Powers est avertie le lendemain que son mari aurait eu un accident lors d'une mission d'entraînement. Il serait, selon le même message, porté disparu. Pour le Pentagone, l'incident est grave, mais comme les soviétiques ne l'ont pas revendiqué, c'est que très probablement ils ont détruit l'appareil et qu'ils n'ont rien d'exploitable. À Washington, on est à 1000 lieues d'imaginer la tournure que vont prendre les événements dans les jours suivants. En effet, 4 jours plus tard, le 5 mai 1960, alors que l'on pensait l'affaire oubliée, Nikita Khrouchtchev annonce devant le Soviet suprême qu'un appareil américain a été abattu au-dessus de l'URSS le 1er mai et qu'il va saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies. À Washington, c'est la stupeur. On réagit immédiatement et on annonce que l'avion en question était un simple avion d'études et de recherche météorologique. En urgence, la NASA est expressément invitée par le Pentagone à publier un communiqué de presse pour annoncer qu'elle a perdu un appareil de recherche. Et pour accréditer cette version, l'US Air Force va même jusqu'à faire repeindre un prototype de U2 aux couleurs de la NASA et fait largement circuler des photos de l'engin dans la presse. À ce moment-là, tout le monde à Washington est convaincu que l'affaire va se tasser et que, comme dans une partie de poker menteur, eh bien les soviétiques vont se coucher. Personne n'imagine alors que la Maison Blanche vient de mettre le pied dans un piège dont le Kremlin, bien sûr, tire les ficelles. Pensez donc, l'occasion est trop belle. Les dirigeants soviétiques vont en exploiter les avantages jusqu'au bout. Et Nikita Khrouchtchev est à la manœuvre. Deux jours plus tard, toujours devant le Soviet suprême, en présence de nombreux journalistes du pays, mais aussi d'étrangers, il fait de nouvelles révélations sur l'affaire, celle-là même que le maréchal Malinovski lui avait soufflé à l'oreille lors du défilé du 1er mai. Présent à Moscou pour l'AFP, Serge Berg raconte. Qu'a dit M. Khrouchtchev, dont le discours d'une heure a été, pour ainsi dire, en majeure partie consacré à l'avion américain ? Que cet avion faisait délibérément de l'espionnage au-dessus du territoire soviétique, et que la thèse du département d'État américain, selon laquelle il s'agissait d'un avion météorologique qui avait perdu sa route, était plus que ridicule. Et le chef du gouvernement soviétique n'a pas manqué alors, comme l'aurait fait le meilleur des procureurs, à citer des faits de plus en plus probants et montrer des pièces à conviction pour confondre ceux qui sont responsables de cet acte. Les responsables de cet acte, ce sont évidemment les Américains. Et à ce moment précis, ces derniers n'imaginent pas encore la carte que Nikita Khrouchtchev s'apprête à jouer. L'avion américain a été abattu au-dessus de la région de Sverdlovsk, dans l'Oural, à plus de 2000 km de la frontière méridionale de l'URSS. Allô, Moscou ? En développant le film, on a pu notamment voir des photos d'aérodromes soviétiques avec leurs chasseurs, des usines et d'autres objectifs. Enfin, et cette révélation fut la plus sensationnelle, M. Khrouchtchev annonça que le pilote de l'avion était sain et sauf et qu'il se trouvait même à Moscou. Il donna son nom, son âge, sa carrière, les noms de ses supérieurs au service central de renseignement. Le pilote, au moment de son arrestation, avait sur lui 3 montres en or, 6 alliances de femmes, 7500 roubles, des francs en or, dont des Napoléons, des lires, des Deutsche Mark, etc. Ainsi qu'un revolver silencieux, bref, tout l'arsenal qu'un homme investi de mission spéciale peut avoir sur lui. Le lieutenant Powers est donc bien vivant. Il a survécu au crash de son appareil en s'extirpant de la carlingue et en ouvrant son parachute de secours au dernier moment. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, les restes de l'avion, les pellicules des photos d'observation ainsi que le pilote se trouvent désormais à Moscou. Acculés, ridiculisés, les Américains sont obligés de reconnaître la vérité. Oui, ils effectuaient bien une mission de reconnaissance, mais ce n'était que pour se prémunir d'une éventuelle attaque par surprise. Et ce n'est pas fini. Le 11 mai, parc Gorki, à Moscou, Nikita Khrouchtchev, accompagné d'une vingtaine de diplomates de tout pays, inaugure en grande pompe une exposition où sont montrés les débris de l'avion U-2. Lors de la conférence de presse, le ministre des Affaires étrangères, Andrei Gromyko, insiste. L'intrusion de cet avion dans l'espace aérien soviétique est un acte d'agression caractérisé selon le droit international et l'Union soviétique portera l'affaire devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà. Et le ministre prévient, tout appareil étranger qui essaierait de pénétrer de nouveau dans l'espace aérien soviétique sera désormais détruit sans sommation. En réponse, le président américain Eisenhower tente de se justifier en expliquant dans une note adressée au Kremlin que la politique américaine des vols de reconnaissance n'a pas de visée agressive. Et puis les Américains tentent un dernier coup. À la télé, le responsable des programmes secrets de Lockheed Martin, constructeur du U-2, Clarence Johnson, affirme que les pièces qu'on voit sur les photos fournies par les soviétiques n'appartiennent pas à son appareil. Durant tout ce week-end, plusieurs de nos meilleurs ingénieurs et moi-même avons consacré beaucoup de temps à l'étude de cette photographie qui montre une partie de l'aile d'un avion. Nous avons étudié la structure, les composants apparents et la forme, ainsi que tous les autres détails par rapport au plan de construction de l'U-2. Et nous en sommes sûrs, cette pièce n'appartient pas à un U-2. Mais il ne convainc pas grand monde. De toute façon, le mal est fait. Et cette affaire offre sur un plateau le prétexte idéal à Nikita Khrouchtchev pour saboter les négociations à venir lors de la conférence internationale qui doit s'ouvrir dans les jours qui suivent à Paris. Ah, Samedi 14 mai 1960, aéroport d'Orly. Voilà presque une semaine que l'affaire du U2 défraie la chronique et fait la une des journaux. En haut de la passerelle de l'imposant Ilyushin portant fièrement sur sa dérive l'étoile rouge soviétique, Nikita Khrouchtchev est le premier des dirigeants étrangers arrivé à Paris pour la conférence qui doit débattre de la situation des deux Allemagnes et du désarmement. Mais ce rendez-vous s'inscrit dans une autre stratégie pour le premier secrétaire de l'Union soviétique car il compte bien s'en servir comme tribune pour obtenir des Américains l'engagement public de ne plus survoler l'URSS. Lors de l'ouverture de la conférence, assis à la même table que le général de Gaulle, le chancelier allemand Adenauer, le premier ministre britannique Macmillan et le président américain Eisenhower, Khrouchtchev prend immédiatement la parole et oppose d'emblée son veto à toute négociation avant que les Américains ne reconnaissent leur faute, châtie les coupables et s'engage à ne pas recommencer. Les discussions tournent court et Khrouchtchev quitte avec fracas la conférence. Quelques minutes avant de reprendre son avion, il s'adresse en russe au micro de l'ORTF avant que son interprète ne prenne la parole. Mesdames et messieurs, nous regrettons que l'attitude adoptée par le gouvernement des États-Unis d'Amérique ait empêché de tenir la conférence au sommet qu'avait attendu avec tant d'espoir tous les peuples qui aspirent à la détente internationale et au renforcement de la paix. Aucun État qui se respecte ne saurait accepter de participer dans des pourparlers internationaux que les partenaires cherchent à mener en menaçant de violer brutalement sa souveraineté. Le gouvernement soviétique a déjà déclaré qu'il poursuivrait inlassablement dans l'avenir comme par le passé ses efforts tendant à assurer la paix et la coopération entre les peuples. On va maintenant présenter les armes, Monsieur Khrouchtchev, tandis qu'un groupe de jeunes enfants, deux petits garçons et une petite fille, que M. Khrouchtchev embrasse en ce moment, viennent de lui remettre un grand bouquet de roses rouges. Les États-Unis se sont engagés à ne plus survoler l'URSS, mais avec ce départ précipité de Khrouchtchev, la conférence de Paris tombe à l'eau. Le paradoxe dans cette affaire, c'est que ce sont les Américains qui fournissent ici aux Soviétiques le prétexte idéal pour faire échouer les négociations sur le désarmement et la détente. Et Khrouchtchev, qui veut pousser son avantage jusqu'au bout, va continuer à mouliner sur cette affaire partout où il passera. Premier combat que mène l'URSS sur la scène internationale, la reconnaissance du préjudice qu'elle a subi. Et c'est devant l'ONU, le 23 mai, que Khrouchtchev dénonce les méthodes des Américains. Et c'est toujours devant l'ONU, 6 jours plus tard, qu'il attend que soit votée une sanction contre l'Amérique du président Eisenhower. Une démarche illusoire, quand on sait que parmi les membres du Conseil de sécurité, à l'exception de l'URSS justement, tous sont des fidèles alliés des États-Unis. Et puis au moment même où l'URSS joue les victimes à l'ONU, au mois de juin 1960, elle joue aussi la ligne dure en matière de politique étrangère. Le maréchal Malinowski, ministre de la Défense, annonce qu'il a donné l'ordre de frapper les bases de départ de tout avion violant l'espace aérien soviétique. Cette menace s'adresse évidemment à la Turquie, mais aussi au Japon, à la Norvège, au Pakistan, tous accusés de prêter des terrains d'aviation aux Américains. Le Kremlin est furieux que des pays qu'il considère comme amis, normalement, se comportent de la sorte. Et pour que les choses soient bien claires, Malinowski réunit les ambassadeurs des pays concernés. Là, il leur montre une carte de leur pays respectif, puis une autre avec une multitude de points rouges marqués au feutre, et il leur explique « Voilà où nous frapperons si vous continuez à nous trahir ». Même en diplomatie, on appelle ça une menace. Et les responsables soviétiques n'en ont pas fini avec cette affaire de l'U2 et de son pilote, le lieutenant Powers, car le Kremlin lui réserve un grand procès digne des purges staliniennes. Autrement dit, un jugement déjà écrit et dans lequel l'accusé est présumé coupable. 17 août 1960, Moscou. Devant près de 1500 personnes, le grand procès de l'espion américain Francis Powers s'ouvre en grande pompe. Et d'entrée, l'accusé, sur conseil de ses avocats, plaide coupable. Écho sur France Inter avec le journaliste Maurice Ferraud. Francis Powers ne pouvait pas faire autrement. Il a été, vous le savez, pris la main dans le sac. Mais encore une fois, je crois que dans cette affaire, dans ce procès à très grand spectacle, puisqu'il est traduit en 4 langues, vous l'avez dit tout à l'heure, procès destiné à l'opinion publique, l'Union soviétique poursuit un objectif politique, qui est le procès Non pas des États-Unis en tant que tels, car je crois que M. Khrouchtchev entend se ménager encore ce qu'il appelle l'amitié du peuple américain, car il veut rencontrer le prochain président des États-Unis pour régler avec lui le sort du monde. Je crois plutôt que ce sera le procès d'une certaine politique américaine, de la politique américaine telle qu'elle est vue par les Russes actuellement, la politique du président Eisenhower, du vice-président Nixon, la politique de certains milieux d'affaires et surtout la politique du Pentagone. C'est cette politique que les Russes veulent essayer de démolir par le procès Powers. Un procès politique pour une réponse politique. On comprend assez vite le ton des débats, à charge évidemment contre le pilote. À l'issue de ces deux jours de procès, le lieutenant Francis Powers s'est reconnu coupable d'espionnage. Il prend 3 ans de prison, auxquels s'ajoutent 7 ans de travaux forcés. Quand on connaît les conditions de vie épouvantables au goulag, ça fait froid dans le dos. Pour la famille du pilote, et notamment pour sa femme, les États-Unis ont abandonné leur pilote. Oui, mais pas tout à fait, car au moment même où Powers est conduit dans la prison de haute sécurité réservée aux criminels dangereux, dans la banlieue de Moscou, on s'active déjà à Washington pour trouver une solution. Celle-ci interviendra, comme on l'a vu 2 ans plus tard, lorsque Powers sera échangé sur le pont Glinik contre un autre espion soviétique, celui-là, le colonel du KGB Rudolf Abel, arrêté par le FBI quelques années plus tôt. Espion contre espion, avec cet échange se referme l'une des plus grandes crises de la guerre froide et l'un des plus grands fiascos de l'espionnage américain. Une humiliation pour la CIA qui, comme toutes les grandes centrales de renseignement et de coups tordus, a parfaitement conscience de cette autre règle d'or dans ce milieu. Toutes les opérations illégales sont permises, la seule chose qui est interdite, c'est de se faire prendre. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Notre invité aujourd'hui pour revenir sur cette affaire Overflight, c'est l'historien Maurice Weiss, spécialiste des questions de relations internationales, auteur de nombreux ouvrages de référence en matière de politique étrangère, notamment le livre « Dans les archives secrètes du Quai d'Orsay » paru aux éditions L'Iconoclaste le 21 octobre dernier, également auteur du livre « La grandeur, politique étrangère » de Général de Gaulle de 1958 à 1969, on lui doit aussi « Les relations internationales depuis 1945 ». Armand Colin, bonjour. Alors, je vous demandais de vous rapprocher des micros, s'il vous plaît, monsieur, car vous êtes loin. Voilà. Alors, cette affaire de Ludeux, on l'a vu, tombe au plus mauvais moment, parce que c'est une période où les deux grands commencent à se parler, à s'asseoir à la même table pour dialoguer. Qu'en était-il réellement, au début des années 60, des relations entre les Soviétiques et les Américains? Est-ce que c'était une première détente dans ce qu'on appelait la guerre froide? Ça n'est pas tout à fait comme ça que je vois les choses. Mmh. Il y a eu la période extrêmement dure de la guerre froide entre, on peut dire, 1949 et 1953, jusqu'à la mort de Staline. Ensuite, un début de détente, et puis l'idée que on pouvait aller vers la coexistence pacifique. Et c'est pendant cette période-là de la coexistence pacifique que il y a un moment particulièrement serein et apaisé, mais au contraire des crises qui se multiplient. Et en particulier, les deux graves crises que l'on connaît, c'est-à-dire la crise de Cuba en 1961 et 62, et puis la crise de Berlin qui revient à partir de 1958. Et c'est dans le cadre de cette crise de Berlin qu'il faut situer l'affaire Gary Powers. Alors, dont Khrouchtchev va tirer les ficelles jusqu'au bout. Est-ce que c'est pour lui un cadeau qui lui arrive sur un plateau, en quelque sorte? Les choses sont beaucoup plus complexes. En réalité, Khrouchtchev ne demandait pas mieux que de trouver une solution. En effet, c'est lui qui avait déclenché la crise de Berlin à l'automne 1958. L'idée très claire, c'était de faire en sorte que cette capitale de Berlin soit non plus l'endroit par où évader, filer, fuyer tous les Allemands de l'Est. Et il faut bien savoir que entre 1949 et 1961, plus de 2 millions d'Allemands de l'Est sont passés par Berlin pour fuir l'Allemagne de l'Est. D'où la construction du mur. Voilà. La question de Khrouchtchev, c'est qu'il veut à la fois la détente. Il sait que l'Union soviétique en a besoin, tout simplement pour des raisons économiques. Il a l'ambition, il le dit d'ailleurs quand il va aux États-Unis, il a l'ambition de dépasser les États-Unis très rapidement sur le plan économique. Et puis en même temps, il y a un problème que l'on écarte trop souvent, c'est les tensions internes au bloc de l'Est, voilà. C'est-à-dire le fait que il y a la Chine populaire avec laquelle les soviétiques ne sont plus exactement en sympathie. Il y a des tensions entre les soviétiques et les Chinois, et les Chinois font en quelque sorte de la surenchère. C'est-à-dire que les Chinois disent « mais vous allez trop loin dans la détente, vous êtes prêts à laisser Berlin aller de son côté, etc. Vous êtes prêts à faire une place au capitalisme, nous ne sommes pas d'accord. » Et par conséquent, on voit se lever cette espèce de défi à la direction par Moscou du bloc de l'Est. C'est pourquoi Khrouchtchev est à la fois tenté par la détente et puis retenu par les Basques pour ne pas aller trop loin. Est-ce qu'il s'agit aussi de plaire à la tendance dure et très conservatrice du Politburo? Certainement, sans aucun doute, il y a cela. Mais il faut bien le dire, certes, Khrouchtchev a trouvé un excellent prétexte dans l'affaire de Ludeux, mais tout de même, c'est une affaire qui empoisonne les relations américano-soviétiques depuis des années. Parce que, à plusieurs reprises, des vols d'avions U-2 ont eu lieu. Les soviétiques l'avaient parfaitement repéré, grâce à leur radar, mais ce que les soviétiques ne pouvaient pas, c'était atteindre les U-2. Or, c'est là le problème qui se pose en 1960, quand la chasse soviétique réussit à abattre un U-2, et en plus à non seulement obtenir l'avion et voir tous les instruments de mesure, photos, etc. qu'il y a à l'intérieur, mais également que le pilote est là et qu'il doit bien avouer qu'il était là pour espionner. Or, Ce qui est très important de bien comprendre, c'est que ce que les Américains expliquaient chaque fois, c'était quand ils voulaient envoyer des vols de U2, c'était pour la météorologie. C'était pour savoir quel temps il faisait, etc. C'était la CIA qui dirigeait cela, et par conséquent, c'était vraiment de l'espionnage. J'imagine qu'avec leur Tupolev Tu-52, les Soviétiques faisaient la même chose au-dessus des États-Unis ou pas ? Est-ce qu'ils avaient les mêmes moyens ? Non, ils n'avaient pas exactement les mêmes moyens, et pour une raison tout à fait simple, c'est qu'il y a non seulement le problème de l'altitude à partir de laquelle on ne peut plus atteindre un avion, on ne peut plus le descendre, comme ça a été le cas en 1960, mais il y a un problème de rayon d'action. Or, les Américains ont réussi à placer des bases d'avions U-2 un peu partout autour de l'Union soviétique, en particulier au Pakistan. De là vient la relation privilégiée entre le Pakistan et les États-Unis. Et c'est de ces bases proches du territoire soviétique qu'ils envoyaient les avions U-2. Voilà, donc alors on est vraiment donc dans un contexte que les jeunes ne connaissent pas aujourd'hui, ne peuvent pas connaître, pas du tout. Celui de la guerre froide, c'était un autre monde. D'ailleurs, on va en parler de cet autre monde à la lumière de cet événement qui ouvre un champ plus large, évidemment, de réflexion historique. On va écouter ensemble une archive d'abord. Quelques jours après l'échec du sommet de Paris, je vous propose d'écouter le général de Gaulle. Dans une allocution télévisée, il insiste, vous allez l'entendre, sur la nécessité de poursuivre les efforts vers la détente. Tout à coup, la division des peuples qui habitent l'Europe et l'Amérique du Nord est la donnée principale et le pire mal de notre époque. Deux camps se dressent face à face dans des conditions telles qu'il ne dépend que de Moscou ou de Washington qu'une grande partie de l'humanité ne soit écrasée en quelques heures devant cette situation. La France juge qu'il n'y a pas de litige territorial ni de querelle doctrinale qui compte, qui tienne en comparaison de la nécessité de conjurer ce péril monstrueux. Et à cette époque, on se disait tous, mon Dieu, si l'un des deux va trop loin, on peut tous disparaître. Tout le monde va renvoyer ses bombes nucléaires. Ça s'appelle l'équilibre de la terreur. Sauf que dans l'équilibre de la terreur, alors on voit après, c'est facile de le lire après, mais que c'est l'équilibre qui l'a emporté. Est-ce qu'on vivait dans un monde moins dangereux, finalement, que celui d'aujourd'hui? Alors, il était cynique aussi, parce que les deux grands se faisaient la guerre par pays du tiers-monde interposé. Donc, c'est très égoïste de dire ça, mais peut-être étions-nous plus en sécurité, je le dis sans nostalgie, bien sûr. Le monde était aussi dangereux, mais dangereux d'une autre façon. Et il était dangereux parce que il y avait la possibilité d'anéantir l'humanité plusieurs fois, puisque à partir de ces années 60, il y a une véritable course aux armements qui se fait entre les États-Unis et l'Union soviétique, et par conséquent, il y a une espèce de folie qui fait que on accumule des moyens et des moyens. Et si vous permettez, je fais un détour par l'excellente archive du général de Gaulle. En 1960, ce qui est important de savoir, c'est que la France a enfin fait exploser sa première bombe en février 1960, et ça a un rapport direct avec la conférence au sommet qui devait se réunir à Paris en mai. Un rapport direct parce que le général de Gaulle avait fait tout ce qu'il pouvait pour retarder la réunion de cette conférence au sommet. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce qu'il voulait pouvoir être au même plan, sur le même niveau d'armement pour la France que les autres pays. Alors, cette conférence devait traiter de toute une série de questions, dont celle du désarmement précisément, mais dont celle aussi de l'Allemagne. Et la conférence ne peut pas se réunir à Paris, tout simplement parce que Khrouchtchev fait un esclandre et explique que si Eisenhower, le président américain, ne s'excuse pas publiquement, eh bien, évidemment, il n'acceptera pas de se réunir avec des menteurs, des gens qui ont fait injure à l'Union soviétique. Et en effet, Eisenhower ne va pas s'excuser, il va simplement promettre, et ça c'est un point intéressant, qu'il n'y aura plus de vol d'avion U2 tant qu'il sera président. Alors, comme vous le savez, il ne va plus être président très longtemps, donc il ne s'engage pas énormément, mais c'est un point tout de même intéressant. Est-ce que Kennedy, qui est le successeur d'Eisenhower en 60, poursuit la même politique ? Mais bien sûr, il va multiplier les vols d'avions espions U2, en particulier au-dessus de Cuba. Et c'est un des grands épisodes de l'utilisation des U2, puisque, comme vous le savez, c'est grâce aux photographies prises par le U2 au-dessus de Cuba qu'on repère, au bout d'un certain temps, les rampes de lancement de missiles SAM soviétiques qui ont été installées. Et par conséquent, au moment de la conférence, je ne résiste pas à l'idée de vous raconter cela. Comme la conférence ne peut pas se réunir puisque Khrouchtchev a dit s'il n'y a pas d'excuse, je ne vais pas. Eh bien, à ce moment-là, ce sont Macmillan, Eisenhower et De Gaulle qui se réunissent. Et pendant ce temps, Nikita Khrouchtchev sort de la résidence de l'ambassade d'Union soviétique et fait une conférence de presse directement dans la rue, rue de Grenelle, et explique que c'est une catastrophe, c'est un scandale, etc. Et il part aussitôt avec le ministre de la Défense faire une excursion sur les champs de bataille de Champagne. Donc c'est très intéressant parce qu'on voit là combien toutes les affaires sont mêlées. Alors, justement, ce que je voudrais bien comprendre, c'est savoir si cette affaire de l'U2 est un vrai problème pour Khrouchtchev, ou est-ce que c'est quelque chose qui lui sert ? Ça tombe bien. Non, c'est sans aucun doute un prétexte. Mais c'est un très bon prétexte. Encore une fois, comme je l'ai dit, à plusieurs reprises, les Soviétiques s'étaient plaints de cela. Mais au cours des réunions très rapides que les quatre grands ont eues, le général de Gaulle a une formule formidable en disant à Khrouchtchev, écoutez, arrêtez de nous ennuyer avec le vol d'avions espions U2, parce que vous, Khrouchtchev, vous avez les satellites. Et il ne faut pas oublier qu'entre l'invention des U2 et la conférence, il y a eu Sputnik, c'est-à-dire la possibilité pour des fusées intercontinentales soviétiques d'envoyer des satellites dans l'espace. Et à partir de ce moment-là, des satellites tournent autour de la Terre. Et qu'est-ce qu'ils font, ces satellites ? Ils photographient, évidemment. Et De Gaulle dit, vous n'allez pas nous ennuyer avec votre histoire d'avion U2, alors que pendant que nous parlons, là, il y a des avions et il y a des satellites qui nous espionnent. Ce qui est une formidable ironie de l'histoire, l'une des raisons qui fera tomber l'URSS définitivement, c'est cette fameuse guerre des étoiles, l'initiative de défense stratégique. Oui. En fait, ce qui est vraiment la poudre aux yeux, les soviétiques se ruinent en essayant de faire la même chose. Finalement, l'Union soviétique tombe aussi sur le champ de l'espace, j'ose dire. Oui, c'est vrai. Tout ça est dans la lignée de la course aux armements, pour savoir jusqu'où on peut aller. Et en effet, l'Union soviétique s'essouffle et se ruine. Alors, il nous reste à peine une minute. La détente, parce que c'est vrai, quand on parle de la guerre froide, son corollaire, c'est la détente. Oui. Ça a été quoi la vraie détente ? Est-ce que ça a été enfin quand Gorbatchev est arrivé ? Là, avec Reagan, on peut dire qu'il y a eu une vraie détente Est-Ouest ? Non, je crois qu'il y a eu plusieurs moments de détente entre les périodes de tension Est-Ouest. Mais sans aucun doute, le moment de la vraie détente, ça a été celui qui a mené jusqu'à la conférence d'Helsinki en 1975. Et le moment le plus tendu, ça reste la crise des missiles de Cuba dans cette histoire Est-Ouest ? À la fois la crise des missiles de Cuba et la période 1948-49 jusqu'en 53 où la guerre froide était vraiment à son intensité maximum. Il me reste à vous remercier, Maurice Weiss, pour ces éclairages sur cette époque. C'était une autre époque, c'était un autre monde. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui l'opération Overflight, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.